Merci de rester fidèle à la Radio Sanganilo. Bienvenue dans ce journal, édition de la mi-journée de ce samedi le 6 février 2021, dont voici la charpente. Le gouverneur de la province de Lomongué appelle ceux qui s'adonnent à la corruption et à la fraude de travailler dans la légalité afin d'aboutir à un développement durable. Plus de 6500 candidats, inscrits dont 471 filles, ont passé ce samedi un test écrit de recrutement dans l'armée nationale. Colonel Floribert Biadeke signale des cas de tricherie. L'insuffisance de monnaie scolaire est l'un des défis que font face les écoles fondamentales de la direction communale de Kibago. Vous allez le suivre dans ce journal. Et voilà pour le sommaire. Yvette Nijimbele est à la présentation. Eli Kadog est à l'autre côté de la cabine. Dans un instant, les détails. Vous n'avez pas Isanganilo ? Vous ratez l'essentiel. Bienvenue. Commençons notre édition par la page sécurité. Passation du test écrit de recrutement dans l'armée nationale ce samedi par les candidats de la catégorie des militaires de rang dans toutes les provinces du pays. Colonel Floribert Biadeke, porte-parole de l'armée burundaise, indique que plus de 6500 candidats se sont fait inscrits, dont l'effectif des filles s'élève à 471. Il signale que des cas de tricherie se sont remarqués dans 4 à Bujumbura. Suivez le porte-parole de l'armée burundaise, Colonel Floribert Biadeke. Ici à l'ISCAM, des jeunes se sont présentés pour un examen qui donne le droit aux jeunes filles et jeunes garçons d'entrer dans la FDNB dans la catégorie des militaires de rang. Cet examen vient pour clôturer un long processus qui a commencé avec la catégorie des officiers, qui s'est poursuivi avec la catégorie des sous-officiers et qui va finalement s'achever avec la catégorie des militaires de rang. Donc aujourd'hui, sur toute l'étendue du territoire, il y a passation du test intellectuel pour les candidats à militaires de rang. Les inscrits sont au nombre de 6572, 471 filles. Ici à l'ISCAM, on a inscrit un effectif de 266, mais on a eu 252 qui étaient en règle, alors qu'il y a des gens qui ne se sont pas présentés. Il y a eu des cas de tricherie aujourd'hui, c'est un cas qui est regrettable, et d'emblée on peut dire que pour les autres catégories, c'est-à-dire la catégorie des officiers, la catégorie des sous-officiers, de tel cas ne s'était pas présentée. Aujourd'hui, donc, on a eu affaire à ce genre de situation. Ici, à l'ISCAM, par exemple, il y a 4 individus qui ont voulu tromper la vigilance de ceux qui font la vérification des documents. Ils ont voulu donc tromper la vigilance de ces gens-là et travailler pour les autres, mais ils ont été appréhendés. Ils sont ici. On va pouvoir examiner leur cas après. Et à l'intérieur du pays, de tels cas se sont aussi présentés. Alors, quel message? Aucun pays ne peut pas progresser lorsqu'il y a des gens qui veulent que les autres font ce qu'ils devraient faire eux-mêmes. Nous demandons à la jeunesse de ne pas céder à ce genre de manipulation, parce qu'il s'agit d'une manipulation en fait ici. Page éducation de ce journal, insuffisance des manuels scolaires à l'un des défis qui font face les écoles fondamentales de la direction communale de Kibago. Propos du DCI Kibago, partagé avec les enseignants, c'était dans l'après-midi de ce vendredi, lors de la remise des manuels scolaires d'une valeur de 4 millions, en octroyé par les natifs de quelques collines de la commune de Kibago à 8 écoles. Le directeur de l'Ecofonbizi, l'une des écoles qui ont reçu ces manuels, salue cette initiative qu'elle qualifie de réponse au manque criant des manuels à son école, même si certaines classes ne sont pas couvertes. Jérôme Hakizimana. C'est le directeur de l'école fondamentale Mbizi en commune Kibago, l'une des écoles qui ont reçu un don de manuels scolaires octroyés par les natifs de certaines collines de la commune Kibago. Jean-Pierre Ndaishimiye nous parle de l'insuffisance de manuels qui s'observait à son école. Nous avions un manque criant de manuels scolaires, surtout pour les 3 premiers cycles, de la 2e année à la 6e année, et même aussi pour la F4, surtout les langues, sciences et technologies, tous les livres. Ce manque de manuels scolaires se remarque également aux autres écoles de la direction communale de Kibago, comme l'indique Elias Ndikumana, qui en est le responsable. Ce don vient de nous aider à un peu résoudre le problème des livres. Nous avions un manque cruel de livres, surtout pour les écoles de la fondamentale 3F3. donc de la deuxième année à la sixième année. Leonidas Nibayuba, qui avait représenté ces natifs de Kibago, révèle comment ils ont procédé pour parvenir à ce stade de contribuer pour pallier à ce défi. Nous, chacun selon sa zone de prestation, ici au Burundi, même à l'étranger, nous nous sommes mis ensemble pour essayer de contribuer à la résolution de ce problème de chez nous, du moins que de manière scolaire. Le directeur communal de l'éducation à Kibago, tout comme le directeur de l'Ecofombizi, tous saluent cette initiative des natifs et lancent un appel vibrant aux autres natifs à leur emboîter le pas. Nous demandons à quiconque qui peut nous aider, qu'il le fasse parce que vraiment, les enfants et les enseignants éprouvent énormément de difficultés pour dispenser les cours, salles manuelles scolaires suffisantes. Aux natifs de la commune Kibago, que ces natifs de Rubimba et Mbizi leur soient un exemple certain de se mettre ensemble pour nous aider à résoudre ces difficultés que nous avons déjà citées. Il souhaite également l'extension de telles initiatives charitables à toutes les écoles de la commune. Jérôme Akizimane depuis Kibago, en province Makamba, Radio Isanganiro. Merci Jérôme Akizimane. Dans la page société, sortant des habitats du chef-lieu de la province Karusi et ceux du chef-lieu de la zone de Buhiga, selon montre de la cherté des produits vriers dans le marché de Karusi et Buhiga. Ils expliquent qu'ils achètent des produits qui sont passés par plusieurs personnes, se disant être des collecteurs de ces produits de la part de cultivateurs. L'administrateur de la commune de Buhiga affirme qu'il va décourager ces faux commerçants appelés Abachakidi et ceux qui se disent commissionnels. Blaise Pascal Kalaroumiye. Certains des habitants s'approvisionnant des marchés du chef-lieu de la province Karusi et celui de Buhiga s'insurgent contre l'activité des personnes communément surnommées Abachakizi. Ces habitants accusent ces personnes d'être responsables de la montée exponentielle des prix des denrées alimentaires dans ces marchés. Le jour du marché, ces personnes surnommées Abachakizi sillonnent et bouclent les chemins menant vers les marchés, achetant les produits vivriers que les cultivateurs acheminent au marché. Ces habitants font signaler qu'il arrive que ces gens appelés Abachakizi interdisent même aux paysans de vendre leurs récoltes une fois arrivés au marché. Ils expliquent que c'est de là que les produits arrivent au marché ayant doublé ou même triplé de prix. Un panier de patates douces acheté à l'agriculteur à 2000 ou 3000 francs est acheté au marché entre 5000 et 6000 francs. Un régime de bananes qui a été vendu à 3000 francs se trouve vendu entre 5000 et 6000 francs une fois arrivé au marché. Cela est de même pour les produits comme le haricot, le petit pois, les avocats, les bananes mûres et d'autres. L'administrateur de la commune Buhiga affirme être au courant de cette situation et interdit que ces personnes à Bachakizi et commissionnaire continue cette activité, une activité que l'administrateur qualifie de commerce illicite. Il indique que cette mesure permettra que les agriculteurs puissent acheminer eux-mêmes leurs récoltes et pouvoir les vendre au prix voulu et que le consommateur profitera de la production. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. 13h passées de 3 minutes dans le studio de la Radio Isanganiro, page sportive de cette édition. Ce dimanche est prévu le championnat national d'athlétisme cross-country qui regroupera les athlètes en provenance de tous les coins du pays. Ambassadeur Dieudonné Kwizera, alias Mvuduka, président de la Fédération d'athlétisme au Burundi, fait savoir que les athlètes qui seront classés premiers représenteront le Burundi dans les différentes compétitions internationales programmées prochainement. Suivez-le. Le 7 février, la Fédération d'athlétisme du Burundi organise un cross-country national qui se déroulera dans les enceintes de l'ancien bataillon au Para à partir de 20h jusqu'à 12h. Et ce cross-country a été préparé depuis novembre 2020 à travers toutes les associations. Il y a eu des compétitions au niveau des associations respectives qui forment la Fédération d'athlétisme du Burundi. Après, les meilleures filles et garçons au niveau des associations se sont rencontrés au niveau des zones. Et la Fédération d'athlétisme du Burundi est divisée en quatre zones. Il y a la zone est, la zone ouest, la zone sud et la zone nord. Il y a eu des compétitions inter-zones et les meilleures filles et garçons qui ont remporté Les meilleures places vont se rencontrer effectivement ce dimanche, le 7 février, dans les enceintes du bataillon para. C'est une occasion aussi de présenter aux jeunes athlètes champions et championnes les compétitions en vue, notamment les championnats d'Afrique de cross-country qui auront lieu à Lomé, Togo, au mois de mars, si rien ne change. Championnats du monde de cross-country qui auront lieu en Autriche au mois de mars, ainsi que les championnats en salle qui sont prévus en Chine, si rien ne change, mais évidemment aussi les Jeux Olympiques de Tokyo. Ça sera aussi une occasion de leur dire les compétitions sur piste qui auront lieu en Algérie, c'est le championnat d'Afrique senior, mais aussi le championnat du monde des moins de 20 ans qui auront lieu à Nairobi au mois d'août. Adoption en Conseil des ministres mercredi de cette semaine de la révision d'une note relative à l'octroi des avantages du Code des investissements à la société Modern Dairy Burundi. Dans un compte-rendu, dit secrétaire général de l'État, Prosper Nagwamiye a souligné que cela fait suite à une erreur dans la convention. Suivez-le. En date du 29 juillet 2020, le Conseil des ministres a analysé et adopté les projets de convention relatives à l'octroi des avantages fiscaux dans le cadre des codes d'investissement aux sociétés Metalusa, Lifeway Company et Modern Dairy Burundi. Il avait été recommandé que les trois conventions soient harmonisées au niveau des avantages à octroyer à ces sociétés. Il a été cependant constaté qu'une erreur s'est glissée dans la convention avec la société Modern Dairy Burundi, car elle a bénéficié de deux avantages en plus, à savoir l'exonération de l'impôt sur le revenu pendant 10 ans et l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sur les ventes pendant 10 ans. L'objet de la note est de demander d'approuver la révision de la convention relative à l'octroi des avantages fiscaux dans le cadre du Code des investissements à la société Modern Dairy Burundi afin de rester dans la logique d'harmonisation des avantages fiscaux pour les trois sociétés et ainsi traitées de façon équitable. À l'issue de l'analyse, la proposition de la note a été adoptée. Dans la page Bonne gouvernance, la corruption et la fraude doivent cesser en province de Mongé afin d'aboutir à un développement effectif dans cette province. Consolateur Netunga, gouverneur de Lumongé, qui le dit, appelle ceux qui s'adonnent à de telles pratiques de travailler dans la légalité, Jean-Pierre Misago. Les corrupteurs sont nombreux en province de Mongé et vont jusque même à tenter de corrompre le gouverneur de cette province, comme il le dit lui-même. D'autres prennent comme sien les biens publics et les gèrent comme ils le veulent. D'autres encore pratiquent la fraude. Toutes ces actions sont de nature à torpiller le développement de la province. S'adressant au chef de service œuvrant dans cette province ce vendredi, consolateur Nitunga, gouverneur de la province de Rumongé, leur demande de travailler dans la légalité. Quant aux anciens percepteurs de taxes communales, surtout ceux de la commune Rumongé, récemment remplacés temporairement par de nouveaux dans le cadre de la semaine témoin, le gouverneur de Rumongé juge inutile et inopportune des lamentations qu'il dirige contre l'administration communale et provinciale comme étant à la base de leur remplacement. Il leur demande d'attendre la décision finale qui sera prise par le ministère ayant le développement communautaire dans ses attributions qui les a momentanément remplacés. Jean-Pierre Misago, depuis Rumongé, Radio Isanganiro. Actualité internationale. Ouverture ce samedi de la 34e sommet des chefs de l'État de l'Union africaine. La réunion annuelle de deux jours se tient à distance en raison de la pandémie de coronavirus. Au cœur de ce sommet, il est important de discuter des arts, la culture et le patrimoine, estime Kofi Kouakou, même si ce chercheur à l'Université de Johannesburg soutient qu'il y a d'autres urgences. Des sujets tels que la réforme des organes de l'Union africaine, la riposte de l'Afrique face à la pandémie de coronavirus et le choix des dirigeants capables de développer le continent sont autant d'urgences Kofi Kouakou s'estime peu convaincu par le thème fixé pour ce 34e sommet annuel de l'Union africaine. Lors de ce sommet, les dirigeants africains devraient élire le président de la Commission de l'Union africaine, l'actuel président Moussa Faki Mahamat, est le seul candidat en lice, mais il devra réunir les deux tiers de suffrage. Par ailleurs, le Nigérian Bankole Adeyo est perçu comme le favori pour prendre la tête de la supercommission regroupant les affaires politiques et le département paix et sécurité de l'Union africaine. Et voilà, chers auditeurs, c'est ici que nous mettons un point final à ce journal. Nous vous remercions, vous tous qui étiez à l'écoute. Un bon week-end à tous. Dans un instant, c'est la revue de la presse. Revue de la presse. Bonjour, bonsoir, selon l'endroit d'où vous nous captez. Certaines personnes jugent opportun d'enseigner l'unité nationale dans tous les niveaux du système éducatif burundais, rapporte la voix de l'enseignant, précisant que ce souhait d'intégrer l'unité nationale dans les programmes d'enseignement a été formulé à l'occasion du 30e anniversaire de l'adoption de la charte de l'unité nationale, une journée célébrée ce vendredi 5 février. Les enseignants sont favorables à ce souhait, écrit toujours ce journal, mais font savoir que la tâche ne serait pas facile pour plusieurs raisons. D'une part, les élèves suivent et intériorisent les discours de haine propagés par les aînés. D'autre part, ce sont ces jeunes qui sont utilisés dans les violences contre les gens avec qui ils ne partagent pas les opinions politiques. Cet hebdomadaire de l'éducation conclut que pour cette action d'inculquer aux jeunes les valeurs de l'unité soit possible, les enseignants qui se sont exprimés demandent aux parents et surtout aux politiciens de servir de modèle dans ce domaine de l'unité nationale. SOS pour les chauffeurs qui font le convoi des véhicules importés, alerte le journal Iwachu, qui constate que désespoir et consternation sont les mots pour décrire le ressenti des chauffeurs assurant le convoi des véhicules importés passant par le port de Dar es Salaam. Depuis la mise en application de la mesure n'autorisant que les camions transportant les marchandises à entrer sur le sol burundais, ils disent ne plus savoir à quel sens se vouer, rapporte ce journal. Pour eux, rapporte toujours Iwachu, tant qu'il n'y a pas de correspondance leur signifiant d'arrêter les convois, ils se considèrent comme lésés par la police de l'immigration parce qu'en principe, ils devraient être traités de la même manière que les camionneurs. La logique est simple, explique-t-il dans les colonnes de ce journal, en partant du postulat selon lequel les voitures en convoi sont déjà dédouanées avec toutes les pièces justificatives dont l'exit note et le nom du chauffeur attestant qu'il est responsable de la dite voiture. Revue de la presse. Les taxes ne rentraient pas toutes dans les caisses de la commune Mutimbuzi, signale l'agence burundaise de presse, comme l'a constaté une délégation du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique lors d'une descente sur terrain effectuée au cours de la semaine témoin sur la perception des taxes en vue d'augmenter les rentrées en taxes pour renflouer les caisses communales. Ce quotidien rapporte également que l'administrateur de cette commune a lui aussi fait un constat amer. À titre d'exemple, rapporte toujours ABP, la commune percevait par jour entre 500 et 600 000 francs burundais et au cours de la semaine témoin, les taxes journalières ont augmenté, s'élevant entre 2 et 2,5 millions de francs burundais, ajoutant que si les choses continuaient ainsi, la commune va atteindre les 50 ou 60 millions de francs burundais par mois, alors que les taxes mensuelles oscillaient entre 11 et 16 millions par mois. Et l'hebdomadaire Iwachu, citant le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, donne le chiffre de plus de 115 millions de francs burundais comme montant des recettes collectées dans quelques communes choisies au cours de la semaine témoin organisée par le ministère de tutelle du 25 au 31 janvier 2021. Les sociétés de courtage affichent un apport faible, écrit Burundi Echo. Ces sociétés d'assurance ont augmenté considérablement, passant de 13 en 2014 à une trentaine antennes en 2020. Paradoxalement, poursuit l'hebdomadaire, le rapport annuel du secteur des assurances produit chaque année montre que cette augmentation n'a pas influencé de façon significative la production des sociétés d'assurance. L'Agence de régulation et de contrôle des assurances, ARCA, tente d'en établir la cause et de trouver des solutions. Comme nous le lisons dans les colonnes de cet hebdomadaire spécialisé dans les questions économiques, les courtiers d'assurance avancent de nombreux défis, comme l'indique Félicité Mozenzi, présidente de l'Association des courtiers d'assurance du Burundi. La faiblesse du développement de l'assurance peut être expliquée par la faiblesse des revenus de la population burundaise. De son côté, Joseph Boutore, secrétaire général de l'ARCA, précise qu'en 2019, l'apport des intermédiaires d'assurance reste faible. Il est de 32% en assurance non-vie et de 1,9% en assurance vie. La Nova écrit sur le prix du maïs par kilogramme qui est désormais fixé à 680 francs burundais, selon l'annonce faite lundi dans un point de presse animé par le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage. Dogi Derulema motive cette mesure du gouvernement comme celle qui vient pour encourager et valoriser les efforts de l'agriculteur. C'est selon toujours le ministre un mécanisme de gestion de la production qui permet d'encourager les producteurs tout en garantissant le marché d'écoulement à un prix rémunérateur calculé sur base du coût de production et des efforts fournis par le producteur. Ainsi s'achève cette revue hebdomadaire de la presse. Elle vous a été présentée par Francine Ndeokubgayo et Mireille Kanyange.